jour est à sa fin. Car je me sens emporté par les parfums du jasmin. Mes chéris, je te supplie, veux-tu me donner ta vie? Car je ne pense qu'à toi, afin que tu sois à moi. Viens dans mes bras, ma chérie. Tu es l'espoir de mon cœur. Viens dans mes bras, c'est ma vie. Je pense à mon destin. Et veux-tu me caresser afin d'adoucir mon chagrin? En ma heure de nostalgie, je sais que tu es ma folie. Quoi que tu sois loin de moi,